suis rose, je suis bleu. Histoire d'amour, secret du feu. Blanc et noir, souvent orageux. Gris, gris, couleur de nos cieux. Moi j'aime le bleu de tes yeux. Moi j'aime le bleu de tes yeux. Moi j'aime le bleu. T'aurais pu mettre un peu de vert pour embellir nos atmosphères. T'as pas lésiné sur le rouge et le noir. Triste couleur de notre histoire. Moi j'aime le bleu de tes yeux. Moi j'aime le bleu de tes yeux. Moi j'aime le bleu. Bien des violets ont à rougir. Que de soutane noire délavée. Le drapeau jaune et blanc se déchire. Du cri des manants brûlé sur le bûcher. Moi j'aime le bleu de tes yeux. Moi j'aime le bleu de tes yeux. Moi j'aime le bleu. Au fond de la mine, un coup de grisou a balayé nos rêves les plus fous. Au fond du trou, pas de rose, pas de bleu. Bien des misères pour que soit rouge le feu. Moi j'aime le bleu de tes yeux. Moi j'aime le bleu de tes yeux. Moi j'aime le bleu. De toutes les couleurs, les drapeaux. De bleu, de rose, je ferai le nouveau. Oh, je veux du vert dans mon univers. Oh, je veux du vert sur notre terre. Moi j'aime le bleu de tes yeux. Moi j'aime le bleu de tes yeux. Moi j'aime le bleu. Moi j'aime le bleu de tes yeux. J'aime le bleu.